labyrinthe de mes abysses où je me suis emprisonné. Au travers de ces interstices, je vois le soleil cramé. La nuit adoucit les contours et du fin fond de ma noirceur. J'entends des bruits lointains et sourds, je reste dans mes profondeurs. Juste une ombre dans la brume, une rumeur qui ne fait que passer. Des bruits de pas sur le bitume. Demain ils seront oubliés. Les fantômes issus du passé, drapés de leurs incertitudes, peuplent les couloirs de ma pensée, chavirent dans leur solitude. Archéologue des précipices, j'en ressors parfois des vestiges. Poussière de néo-catharsis, lorsque ma mémoire se fige. Juste une ombre dans la brume, une rumeur qui ne fait que passer. Des échos de pas sur le bitume. Demain ils seront oubliés. Quand une étoile brille dans l'antre, cherchant à me faire espérer, je m'en détourne le nœud au ventre. Trop de méfiance toutes ces années. Alors sur la lueur de cette lumière féerique, je replonge dans ma torpeur sous un silence hypnotique. Juste une ombre dans la brume, une rumeur qui ne fait que passer. Des échos de pas sur le bitume. Demain ils seront oubliés. Chaque recoin de ces abîmes est un refuge loin du réel. Où mes yeux se ferment à l'infime, l'utopie d'un bruissement d'ailes. Le ciel obscur de l'extérieur aux nuages froids et meurtris. Le cauchemar joue sur la peur de la fièvre de mes insomnies. Juste une ombre sur la brume, une rumeur qui ne fait que passer. Des échos de pas sur le bitume. Demain vous m'aurez oublié.